je fais de la radio, ça va faire quoi? 13 ans que je fais de la radio. J'ai la chance de faire de la radio parce que quelqu'un qui t'offre un no-name comme moi, là. Écoute, je suis pas une fille, fait que je me suis jamais mis à quatre pattes pour avoir un job. Je suis pas quelqu'un de connu, fait que j'ai jamais, ça a jamais été parce que mon nom valait quelque chose ou mon père a jamais été connu, ni ma mère non plus. Mais 13 ans comme artisan de radio, c'est quand même pas si pire.